Chapitre 11e, Olivier Cournal et Miss Aurora Boltin. Monsieur S. Strauss, le propriétaire des plus importantes usines d'appareils électriques et téléphoniques des États-Unis, était un grand vieillard de mine hautaine, de mœurs sévères, dont la prestance majestueuse commandait le respect. Fils d'un planteur assassiné pendant la guerre de Sécession, entre les États du Nord et ceux du Sud, sauvé lui-même par miracle, il avait été recueilli par un ami de son père qui lui avait fait faire ses études à West Point. Possesseur maintenant d'une immense fortune, honorablement acquise, c'était un type assez curieux de Yankee que M. S. Strauss. Dans son caractère, comme dans ses opinions, il n'avait que très peu de défauts ordinaires aux Américains. D'une grande science, en tout ce qui touchait de loin ou de près, à la fabrication des machines électriques, il n'avait ni l'esprit exclusif et guindé de ses compatriotes, ni leur mépris pour les hommes et les choses de la vieille Europe. Il estimait, au contraire, beaucoup les inventeurs de l'ancien monde, toujours prêts à les soutenir lorsqu'on les attaquait devant lui. Et plus d'une fois, il lui était arrivé de s'intéresser à des jeunes gens, de les faire venir, de les installer chez lui, et d'entreprendre à ses frais les expériences que nécessitait leur découverte. Ceci explique les offres généreuses qu'avait faites le directeur des usines Strauss à Olivier Cournal, dont il connaissait le nom et la réputation européenne. Le jeune ingénieur avait été bien accueilli et tout de suite mis à son aise par le vieillard qui ne lui avait posé aucune condition. Il l'avait installé dans un pavillon attenant aux fabriques, lui avait indiqué ce qu'il attendait de lui et très discrètement l'avait laissé libre d'agir à sa guise. Il s'agissait d'un nouvel appareil de télégraphe sans fil par lequel l'ingénieur Strauss rêvait de remplacer le système en vigueur. Théoriquement, l'invention était exacte, mais elle ne donnait de résultats pratiques que sur une faible distance, quelques kilomètres à peine. Il s'agissait de la rendre applicable sur des parcours illimités, et les difficultés étaient considérables. Olivier Cournal s'était aussitôt mis au travail. L'invention l'intéressait puissamment. Le labeur acharné auquel il s'astreignait, sa continuelle tension cérébrale, lui faisait oublier les soucis, les craintes, chaque jour plus forts, que lui causait sa torpille terrestre, menaçant de devenir, entre les mains du gouvernement français, un instrument de guerre et de carnage au lieu d'une arme de paix et de civilisation. Le principe du télégraphe sans fil repose sur la découverte du physicien Henri Hertz de Bonn, qui a établi que de même que la lumière, l'électricité se propage dans l'espace par des ondulations ayant la même vitesse, environ 300 000 km par seconde. L'appareil en lui-même se compose au départ d'un transmetteur ou radiateur et d'un récepteur à l'arrivée, ainsi que d'une bobine d'induction émettant des étincelles électriques. De la longueur de l'étincelle dépend la distance parcourue par les ondes. On n'était encore arrivé qu'à des étincelles de 50 cm, permettant d'expédier des dépêches à 15 km. Mais tout faisait prévoir qu'on obtiendrait des résultats concluants qui permettraient de remplacer, ou plutôt de supprimer partout les lignes télégraphiques ordinaires. En plus des économies, puisqu'il supprime tout le matériel de poteaux et de fils, le nouveau système assure le secret absolu des correspondances, puisqu'il faut que le transmetteur et le récepteur soient accordés d'avance. On n'aurait jamais à craindre les accidents, assez fréquents, ni les interruptions des lignes ordinaires. Les intempéries, la neige, la pluie, les orages seraient sans effet sur les communications. La besogne avançait à souhait depuis 3 mois qu'Olivier était l'employé, ou plutôt l'ami, de l'ingénieur Strauss. Le vieillard se montrait particulièrement affable envers lui. Il venait souvent le surprendre dans son petit pavillon et causer, pendant de longues heures, de l'Europe, des savants français, de M. Goldberg, pour lequel il professait beaucoup d'estime. Dès le premier jour, le vieil ingénieur avait découvert quelle âme d'élite, quelle intelligence éclairée possédait Olivier. Il lui avait accordé toute sa confiance. L'ingénieur Strauss n'était pas l'esclave de ce que les Américains dénomment l'entente pratique de la vie, et qui n'est en réalité qu'un manque de générosité dans les idées. Le souci de la réclame et des bénéfices ne l'absorbait pas entièrement. Son cerveau était ouvert aux idées neuves et il n'entrait aucun parti pris dans ses jugements. Son estime pour le travailleur acharné qu'était le jeune homme n'avait fait que s'accroître devant les résultats obtenus en si peu de temps. « Vous ne prenez pas assez de distraction, que diable !» lui avait-il dit un jour. « Mon cher Cournal, vous tomberez malade de surmenage si vous ne sortez jamais, et j'en serai désolé. » De fait, Olivier Cournal menait un peu une vie d'ermite. Confiné dans son labeur, il ne s'occupait de rien d'autre chose. Soit dans son pavillon, devant sa table encombrée de plans, soit dans les usines, vêtu d'une blouse blanche, La lime ou le marteau en main, il travaillait sans relâche, autant parce qu'il s'intéressait à son œuvre que pour ne pas se laisser gagner par les soucis et le souvenir du passé. Quelques rares fois, il était allé par la ville pour ses affaires, mais il évitait ses sorties. Chicago lui donnait le spleen, avec ses avenues monotones bordées de sombres îlets de bâtisses, sa foule renfrognée, comme sans âme et sans sentiment. Et puis, c'était de pénibles souvenirs qu'évoquait en lui Chicago. Ce savoir le voisin de William Bolton lui était insupportable. Après ce drame, où avec ses amis Ned, Addison et Goldberg, il avait failli laisser sa vie, après avoir vu détruire tous les travaux de la locomotive sous-marine. Un jour, par hasard, il était passé dans la 7e avenue, en face de l'hôtel du milliardaire, et son front s'était assombri à voir la trop luxueuse demeure de cet homme qui, il en avait la certitude, avait été leur mauvais génie, avait combiné leur ruine avec une inlassable haine. Depuis ce jour, il n'était plus guère sorti de son pavillon. Surtout que depuis Léon Goupil l'avait quitté, il passait des journées entières dans la solitude. L'ingénieur Strauss s'était bien aperçu des allures taciturnes de son jeune ami. Malgré les protestations du jeune homme, il lui avait fait promettre de l'accompagner quelquefois dans les salons de la haute société de Chicago. « C'est entendu, n'est-ce pas? Nous n'en parlerons plus. Et puis, vous n'y perdrez rien. Ces soirées vous fourniront au moins un amusant sujet d'observation. » Et quelques jours après, il va prendre Olivier pour assister à une fête que donnait le grand banquier Worms. « Vous savez que vous êtes connu, mon cher. N'en déplaise à votre modestie. Vous allez voir quel succès. » En se laissant entraîner par l'affable ingénieur, Olivier ne se doutait certes pas de la rencontre qu'il allait faire ce soir-là. Dans un vaste hall, brillamment illuminé et transformé en jardin grâce à des massifs de lauriers roses, de cactus, d'orchidées et de chrysanthèmes, des tables chargées de mets rares et de flacons précieux attendaient les convives du souper. Mais les salons étaient encore pleins. Pour divertir ses invités, le banquier avait fait dresser, dans une grande pièce circulaire, une petite scène sur des tréteaux. Il s'était assuré, en payant fort cher, la collaboration d'une célèbre actrice parisienne qui faisait en ce moment une tournée en Amérique. Et c'était le Great Event, l'événement capital de la soirée, le sujet des causeries de toutes les jeunes misses, aussi bien que de tous les gentlemen qui pour un soir avaient délaissé les affaires pour répondre à l'invitation du banquier.